Toyota. Chérie, on fait quoi cet été ? Oh, je sais pas, j'aurais bien fait la route des villages de France ou alors... Oh, tu sais quoi ? Va faire ton sac et préviens les enfants. On va chez Toyota. Ah ok, mais on n'a pas d'enfants. Hein. Partez sur un coup de tête ? En ce moment, pendant les prêts à conduire Toyota, profitez d'une prime à l'hybride Toyota allant jusqu'à 4 500 € sans condition et toujours cumulable avec la prime à la conversion de 3 000 €. De la Citadine au SUV, rendez-vous vite en concession ou sur toyota.fr pour découvrir les véhicules hybrides disponibles. Toyota. Offre particulière jusqu'au 31 juillet dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Le 15 avenue Montaigne, à Paris. Vous connaissez ? Si vous étiez à l'écoute hier et avant-hier, bien sûr. Bien sûr, le 15 avenue Montaigne, ce n'est pas une boutique de luxe, c'est le théâtre des Champs-Élysées. 3 salles en un même lieu, mais la salle de concert est la plus célèbre. Inauguré en 1913, un lieu à célébrer donc très vite. Et qui le fut il y a 50 ans, car de tout temps la radio a aimé les anniversaires. Et en 1963, nombreux étaient encore les témoins des acteurs, des créateurs de cette salle mythique, ou leurs descendants, ou leurs proches. D'où cette série de Pierre Barbier, 15 avenue Montaigne, et les nombreux, nombreux témoignages. Lieu musical, mais aussi lieu de music hall. Première diffusion du volet qui suit, le troisième, le 29 mars 1963, sur la chaîne France 3 Nationale. À l'occasion du 50e anniversaire du Théâtre des Champs-Élysées, RTF France 3 Nationale présente 15 avenue Montaigne. Production et interview recueillies par Sylvie Albert. Aujourd'hui, de Stanislavski au bimillénaire de Paris. Avec Olga Adabash, Georges Auric, Jacques Bazire, Brassailles, Grégory Schmara, Liane Daïdé, Janine Alexandre Debray, Georges Doll, Serge Golovin et Golovina, Jacques Berthaud, Rosella Hightower, Ramondo Larrain, Serge Liffard, Armand Piral, Jean Robin, Henri Sauguet et Jean Viennaire. Présentation et réalisation, Pierre Barbier. Au cours de nos deux émissions précédentes, nous avons parlé du théâtre objet, puis du concert inaugural et d'une première série de ballets. Aujourd'hui, bousculant la chronologie, sans trop de scrupules d'ailleurs, nous évoquerons d'autres moments importants du théâtre des Champs-Élysées. Instants plus divers, plus variés, qui reflètent la vie encore difficile du théâtre. Pour la petite histoire, notons que la direction a évidemment échappé aux initiateurs et c'est une Polonaise, Madame Kalnawenska, qui est devenue propriétaire. Mais revenons à un aspect qui intéresse vraiment le public. Le quartier semble encore lointain. La salle, par ses dimensions, est difficile à remplir. Il faut des prodiges d'audace et de ténacité pour l'exploiter. C'est peut-être à cause même de ces contraintes que les directeurs successifs sont tenus de ne monter que des spectacles d'une qualité exceptionnelle. Chacun d'eux doit être un petit événement artistique. Jacques Héberthaud est un des premiers directeurs, et c'est grâce à lui que Paris verra, par exemple, les mises en scène de Stanislavski, l'un des pères, comme on sait, après Gordon Craig, du renouveau théâtral dans le monde. Grégory Schmara, vous avez travaillé longtemps avec Stanislavski. Parlez-nous de lui. Stanislavski. Vous savez, c'est un personnage d'un autre métier extraordinaire. En général, on n'aime pas le théâtre. On l'aime lui-même au théâtre. Et lui, il aime théâtre. Vous savez, il ne peut pas exister sans théâtre. Son travail, il n'est pas comme tous les autres. Vous savez, parce que la première chose, on travaille lentement. on ne dépêche pas. Il dit toujours comme pour la nature, quand vous jetez la graine dans la terre, il faut le temps qui se mord et qui se donne après les fleurs, vous savez là. Et il me dit très souvent, Goethe écrit fausse. 15 ans, il écrit cette fausse. Et vous voulez jouer pour 15 jours ce personnage. C'est impossible alors. Et je pense qu'il a toujours raison dans ce côté. Stanislavski, vous savez, Stanislavski, c'est un génie. Même pour les vieilles pièces, même que les pièces sont déjà un grand succès, pour lui, il n'existait pas ça, succès pour Stanislavski. Il lui dit, ce que vous lu dans le journal, ce n'est pas intéressant. Parce que ça tombe sur la tête, vous savez, quand on parle pour quelqu'un dans les journaux, qu'il est formidable, qu'il est très bien. Non, il ne comptait pas avec ça. C'est un génie. Par exemple, nous étions très malheureux au théâtre. C'est passé quelque chose. Rentre Stanislavski, le soleil rentre. Tout de suite, vous savez, tous les gens changent son expression. Parlez-nous de lui comme homme. Il était naïf, comme on peut dire. Il était comme un enfant. Et quand se commence le travail, ça, c'était un diable. Vous savez, ça, c'était un tyran. Nous travaillons autour de la table longtemps pour trouver les rythmes, parce que chaque auteur, les grands auteurs, possèdent son climat, son rythme. Quand on commence à répéter tout de suite sur la scène, vous savez, là, avec mes enseignes, tout cela, les comédiens commencent tout de suite à jouer. Ils ne savent pas même ce qu'est-ce qu'il faut faire, là, mais ils ont déjà commencé à jouer machinalement, parce qu'ils sont sur la scène. Tandis qu'autour de la table, ils ne jouent pas. Elle est seulement se concentrer pour ça, c'est qu'est-ce qu'il faut trouver là. C'est-à-dire, pour trouver les rythmes, c'est encore trouver ce que c'est sous les textes. Les textes, on trouve toujours comme une ressource dans la pièce. J'aimerais que vous nous parliez du répertoire de Stanislavski au Théâtre des Champs-Élysées. Oui, on jouait les Dostoïevski, les frères Karamazov, on jouait les Tchekhov, trois sœurs, Kulvania et Serizé, on jouait Ostrovski, on jouait Tolstoï. Et M. Jacques Héberto, il était le principal personnage, comme étranger ici pour nous, le Citan. Dans le Karamazov, nous avons un tricitan, il faut qu'il ait lu en langue française. Vous savez, qu'est-ce qui se passe sur la scène, ça c'était en russe, n'est-ce pas, la pièce. Mais entre, c'est lui, Héberto, les textes. Voilà, ça c'est ce que je pense dans ce théâtre. Après, à 37... Les théâtres d'art de Moscou rentrent ici à Paris, dans l'exposition, c'était les temps d'exposition, et on joue déjà sans Stanislavski. Stanislavski était occupé dans ces temps avec l'opéra. Je trouve ces théâtres, Champs-Élysées, était très commode pour, par exemple, je ne parle pas déjà pour l'opéra, c'était idéal, pour le ballet, c'était idéal, les théâtres, mais pour les dramatiques, je pense que c'est peut-être dangereux. Mais non! Quand nous avons joué Tchekhov même, c'est tellement intime, c'est tellement, vous savez, l'atmosphère est tellement doucement, vous savez, tout cela. Mais ça marche bien, ça marche très bien. Il y a une scène qui se tourne, et nous avons apporté ça nous-mêmes. Dans cette façon, on fait l'Anna Karenine, qui a eu beaucoup de tableaux. Il faut très vite changer la scène, vous savez, là. On tourne, vous savez, on arrange, c'est très bien. Et ça, c'était un énorme succès, vous savez, là. Un stand d'hiver très varié, disais-je tout à l'heure. En effet, voici que le théâtre des Champs-Élysées devient musical. Jean Wiener, vous avez bien connu Rolf Demarais, dont nous avons parlé au cours de notre précédente émission. Je l'ai surtout connu au moment où, aidé de mon ami André Davenne, il a fait du Théâtre des Champs-Élysées un musical comme on n'en voit hélas plus. Je me rappelle très bien un jour avoir été parlé à Rolf et à Davenne d'une idée d'opérette que j'avais eue avec un de mes amis mort depuis, qui était un auteur de boulevard et qui s'appelait Henri Falck. Nous avons fait un petit topo de la chose et en quelques jours, il nous a commandé cette opérette. Et nous avons été extrêmement aidés là-dedans par André Davenne, qui a même été aux États-Unis et qui nous a ramené d'étonnantes danseuses noires et de très remarquables musiciens noirs également. Et quelques semaines ou mois après, on a donné donc mon spectacle qui s'appelait Olive chez les Nègres ou The White Village. Ça a été quand même une chose très étonnante où j'ai pu réaliser ce que je rêvais depuis très longtemps, c'est-à-dire ce que j'appelle la musique acteur, c'est-à-dire qu'il y avait évidemment un orchestre dans la fosse qui était dirigé par Eugène Bigot. J'avais écrit des mélodies et des choses de danse négro-américaine pour des instrumentistes noirs qui jouaient sur la scène, qui étaient fort peu vêtus, puisque tout ça se passait soi-disant dans une île. Ils avaient des espèces de petits pagnes. Ils étaient très beaux et ils sortaient de derrière un rocher, celui-là avec un trombone, celui-là avec une trompette, celui-là avec un matériel de batterie. Et tout ça se passait dans l'action, si vous voulez. Et puis il y avait aussi un kiosque à musique, et dans ce kiosque à musique, il y avait toute une série de morceaux qui étaient joués par des grands musiciens, enfin par les meilleurs musiciens de nos orchestres, mais qui étaient habillés en fanfare du dimanche. Et tout ça était très amusant et répondait à un souhait que je formulais depuis longtemps. On sait l'importance sur le plan esthétique de l'intrusion de l'art noir en Europe. Olive chez les Nègres, dont vient de parler Jean Vienner, nous amène tout naturellement à ce point d'éclatement, cette révolution que déclencha la célèbre revue Nègre. Au cours de votre activité de directeur des Champs-Élysées, vous comptez beaucoup de réalisations, Jacques et Berthaud. Déjà, vous aviez quitté ce poste, et pourtant, cette revue Nègre figurait-elle dans vos projets ? Le projet de la revue Nègre était dans mes dossiers, n'est-ce pas ? Mes successeurs ont trouvé la revue Nègre. Ça ne correspondait pas tout à fait exactement mon canon, puisque à ce moment-là, je ne cherchais pas à faire un music hall des Champs-Élysées. Je crois que ça a été une erreur de transformer ce grand théâtre lyrique, ce grand théâtre de poésie en music hall. D'ailleurs, Dieu merci, ça n'a pas duré longtemps, et quelque temps après, il a repris sa véritable destinée. Pourtant, il faut s'arrêter à cette revue Nègre, Serge Liffard. Dès 1925, il y avait cette révélation de Joséphine Becker. Et vous savez que la portée, ce qu'il nous a donné, la revue Nègre, c'était aussi important que le cubisme de Picasso. Car l'introduction du jazz, l'introduction de cette vibration du sang noir, portait ses fruits à ce centre culturel mondial qui est Paris. J'ai assisté à cette première avec Serge de Diaghilev et Paul Collin, qui était le peintre, et Cole Porter, qui était mécène. Et voici, je suis l'après-midi, et j'assiste à une vraiment chose tragique, car l'étoile, qui s'appelait Mills, une chanteuse noire, tomba malade. C'était vraiment préparation à l'annulation du spectacle. Et puis, un des régisseurs de cette troupe qui fait l'appel au corps de ballet, ça veut dire aux petites filles, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut remplacer Mills? Et tout à fait au fond, il y avait une jeune fille noire, tout à fait extraordinaire, qui sort timidement. Il dit, c'est moi, comment vous? Oui, elle dit bien sûr, presque, avec la langue nègre. Il ne parlait pas ni anglais, ni français à l'époque. Et au bout de quelques heures de répétition, elle savait tout, et le soir, c'était son éclat. Au point de vue esthétique, n'est-ce pas ? Paris, il a vu un monde nouveau et un art nouveau. Si la revue Nègre est une réussite, c'est qu'elle n'est pas seulement un show réussi, comme nous dirions aujourd'hui, mais que toutes les disciplines y trouvent leur compte, leur nourriture. Voici le point de vue d'un musicien, Georges Auric. J'étais là pour la revue Nègre, bien entendu, et ça c'est également un souvenir très inoubliable, parce que pour les Parisiens de cette époque, déjà un peu lointaine, c'était une révélation. À cette revue Nègre sont venus s'ajouter beaucoup d'autres revues Nègres. Je crois que c'est un petit peu émoussé pour nous maintenant, ou quoi. En tout cas, il faut que ces nègres de 1962 soient d'un noir encore plus violent que ceux d'autrefois, pour vraiment retenir le public. La musique de jazz, ça c'est une autre histoire. Il n'est pas douteux que c'est une forme de musique qui a eu une très grande influence. Il y a des œuvres de Stravinsky, il y a des œuvres d'une quantité de compositeurs contemporains dans tous les coins du monde qui ont été fortement marqués par les rythmes, par les harmonies, par l'atmosphère de toute une musique de jazz. Et ça, c'est une chose qui est impossible de discuter, même si on déteste le jazz, qui d'ailleurs a également évolué énormément, car le jazz de 1962 ou 1963 n'a aucune espèce de rapport avec les premiers jazz que j'ai entendus et qui paraîtraient maintenant terriblement conventionnels. Un autre musicien, Jean Viennaire. Un des plus tendres et un des plus violents souvenirs des Champs-Élysées, c'est la revue Nègre avec Joséphine Baker. Alors quand nous avons vu arriver cette petite femme avec son corsage à carreaux, ça a été quelque chose de tout à fait bouleversant et qui nous a donné une idée à peu près définitive sur l'importance énorme que devait avoir la musique négro-américaine sur la musique. C'était d'ailleurs ce que pensait Ravel, ce que pense Stravinsky. Et alors, j'ai été tellement émerveillé par cette fille, et très très peu de temps après, j'ai voulu la voir, et je l'ai rencontrée chez Georges Simenon. C'est là que j'ai passé un après-midi avec Joséphine, émue et émerveillée de ce petit être qui est devenu par la suite la femme qu'on sait, courageuse et intéressante à tout point de vue. Faut-il une conclusion? Eh bien, mon Dieu, demandons-la par exemple à Salvador Dali. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'était la revue avec Joséphine Baker. Oui, qui nous a... Ça m'a beaucoup frappé parce qu'il résumait déjà à l'époque les structures génétiques daliniennes, laquelle aujourd'hui il a pris la forme que vous savez du twist et qui est aussi les structures actuelles, mais celle-ci, celle d'aujourd'hui, correspond déjà à la désoxyribonucléique acide, que c'est pour ça que je fais en ce moment. Je suis entouré de trois scientifiques qui m'ont apporté cette structure qui va être élevée en forme de monument à Saint-Cloud, à la hauteur de l'obélisque de la place de la Concorde. Vous voyez que tout ce qui se passe autour de moi, c'est cohérent. Enfin, c'est moi, je le rends cohérent et c'est ça mon génie. Avec les ballets 33, le théâtre est définitivement rendu à ses activités premières. Henri Sauguet évoque cette période. C'est là où, en 1933, on a représenté mon ballet face. Les ballets 33 furent, en effet, des ballets éphémères. Ils portaient, hélas, leur date dans leur titre, puisqu'ils s'appelaient les ballets 33. C'est une réunion de ballets qui avait été fondée autour de la danseuse Tilly Loche par un mécène anglais qui est notre ami Edward James, et qui fit là créer plusieurs ouvrages remarquables avec la collaboration de Derain, avec la collaboration de Braque, avec la collaboration de Tchelitchev, et surtout avec la collaboration de Christian Bérard, qui faisait là, à Paris, ses premières armes comme décorateur de ballet. Il décora différents ballets, dont un qui est resté célèbre, qui s'appelait Mozartiana. Il convient de nous arrêter longuement au ballet du Marquis de Cuevas. Nous n'avons pu interroger tous les témoins, bien sûr. En voici pourtant quelques-uns. Tout d'abord, ce sont les danseuses. Liane Daïdé. Quand je suis entrée chez le Marquis de Cuevas, c'était au Théâtre des Champs-Élysées. Et c'est pas la première fois, puisque j'avais déjà dansé avant sur ce théâtre, mais enfin, c'est pour lui que j'ai fait mon plus grand ballet, La Belle au bois dormant. L'impression que le Marquis m'a faite, vous savez, c'est très difficile à dire, parce qu'il était... Il était tout pour tout le monde. À tel point d'ailleurs que on dit de parler de sa dernière soirée. Oui, évidemment, sa dernière soirée où il était là présent, où ça a été pour moi ma première Belle au bois dormant, c'était très émouvant, le Marquis de Cuevas, c'était mourant, il est monté sur scène, il nous a tous embrassés, enfin... Moi, il me présentait comme sa jeune étoile, puisque c'était la première fois que je dansais pour lui. Je crois qu'il ne m'aimait pas tellement plus qu'on aime les autres étoiles, mais enfin, on a toujours un petit faible pour son dernier né. Mais je crois que c'était encore plus émouvant la dernière soirée de La Belle au bois dormant, parce que le Marquis était mort. Il était mort depuis 5 mois à peu près. Et le Marquis était toujours là. Le Marquis était parmi nous. Son âme était là, il était sur scène, il était en coulisses, il était... On l'entendait crier dans la salle, bravo, comme il faisait. Et c'était plus émouvant que n'importe quoi. Je crois qu'on ne retrouvera jamais une troupe comme il y avait la troupe du Marquis de Cuevas, qui était une troupe privée, et en plus une troupe itinérante. Mais puisque nous parlons du Théâtre des Champs-Élysées, j'aimerais tout de même dire que Quand on parle de ce théâtre, on parle de la scène, on parle de la salle, on parle des gens qui ont dansé, qui ont fait les choses dessus, qui ont chanté ou qui ont apporté les spectacles. On ne doit pas oublier non plus de parler d'abord des administrateurs, mais aussi de toute l'équipe technique qui est là. Et c'est aussi une chose qui m'a beaucoup troublée. Vous voyez, quand on dansait, eh bien, les machinistes, les chefs électriciens, enfin, le personnel, tout le monde était avec vous et attendait ce que vous alliez faire de bien, plutôt que dans certains théâtres où on attend ce que vous allez faire de mal. Ah. Alors ça, c'est très, très sympathique. À présent, voici un danseur et une danseuse, Serge Golovin et Golovina. Depuis 13 ans que je fais partie du grand ballet du Marquis de Cuevas. Et ma sœur était depuis un an avant moi, c'est-à-dire 14 ans dans la compagnie. Oui, le Marquis m'appelait sa petite chatte. Il disait toujours que je lui avais emmené d'abord Serge, je lui avais déposé au pied, puis Georges et puis Jean. Il aimait beaucoup cette anecdote. J'ai eu l'honneur de danser avec les plus grandes ballerines du moment, c'est-à-dire Markova, Yvette Chevire, Rosella Etover, Nina Virubova et Margaret Chan, qui était venue aussi du Royal Danish Ballet. Nous avons créé avec Rosella, par exemple, Piège de lumière, qui était un des plus grands succès de la compagnie, dont la musique était de Jean-Michel Damas, le scénario de Philippe Heria, célèbre romancier, le décor de l'Abysse et les costumes d'André Levasseur. Et nous avions créé ça en compagnie de Skouratov. Et c'était un des souvenirs un peu drôles. C'était que quand je rentrais sur la scène, j'avais de la poudre d'or dans les mains. Et ensuite, quand je faisais un grand jeté, j'arrivais, je lançais cette poudre d'or en l'air. Et après, il m'en restait plein les mains. Et quand je faisais des adages avec Rosella, ça faisait comme les traces d'un papillon qu'on tient dans les mains. La poudre d'or restait sur sa taille et sur son corps. Et c'était très joli. Ensuite, j'ai créé aussi un très grand ballet avec Nina Virubova. C'était L'amour et son destin sur la symphonie pathétique de Tchaïkovski. La chorégraphie était de Serge Liffard et les décors de Vakevitch. C'était un des plus grands succès de la compagnie ces dernières années. Et puis, j'ai créé aussi un ballet dont j'ai fait la chorégraphie. Et la musique était de Claude Potier, qui était vraiment une musique très inspirée. Et les décors étaient de Delfaux. Et Nina Virubova a fait là une très belle création. C'était Mort de Narcisse. Le chef du plateau du Théâtre des Champs-Élysées, Georges Dolé, et Raymondo de Larrain, qui réalisa surtout l'inoubliable Belle au bois dormant, évoquent quelques instants leur travail commun. Comment vas-tu? Ça va et toi, Raymondo? Qu'est-ce très que bien. Tu as fait? Oh, j'ai fait une longue tournée avec le ballet, et après nous avons fini au Festival d'Athènes, et maintenant je retourne au théâtre vous voir, et vous rencontrer, vous dire bonjour, et je suis ravi, ça me donne des extraordinaires souvenirs. Et je n'oublierai jamais quand tu m'as poussé les jours de la première de La Belle au bois dormant sur scène. Ah, c'est une grosse production, La Belle au bois dormant. Il y avait énormément de décors, énormément de costumes. Il y a eu beaucoup de travail, surtout beaucoup de travail, car c'était féerique. Je crois que les gens qui l'ont vu en ont eu un grand souvenir. D'abord, on n'a pas joué autre chose plus longtemps que La Belle. Ici, c'est ce qu'on a joué le plus longtemps. Non, je vais dire une chose que lui ne peut pas dire, parce que c'est le chef ici. Que c'est surtout aussi l'esprit qui compte. Il y a un esprit de collaboration extraordinaire que je n'ai jamais trouvé dans aucun théâtre ailleurs. Ça, c'est unique. Et voici Olga Adabash qui dansa particulièrement le rôle de la sorcière dans La Belle au bois dormant. Ça a été vraiment une des moments les plus sensationnels de ma carrière. J'ai eu un costume sensationnel qui a d'ailleurs beaucoup influé sur mon interprétation. Parce que Raymond de Larrain l'a créé d'une façon inattendue. Il ne savait pas comment faire, parce que la sorcière est un personnage. On voit toujours la sorcière habillée de haillons, avec les cheveux des fées. Et il voulait un petit peu changer, n'est-ce pas? Alors un jour, il m'a dit que la nuit, tout d'un coup, il a eu comme une espèce de rêve. Il ne savait pas, il s'est levé et tout de suite, il a eu une inspiration. Il a mis cette sorcière sur le papier et ça a été justement cette chose un peu morbide où la morbidité et la force se disputaient. C'est comme ça que j'interprétais d'ailleurs un peu dans ce style. J'ai ce rôle, en somme, c'était une espèce de transe où j'étais chaque soir. Ici encore, il est difficile de conclure. Pourtant, quelques simples souvenirs sur la personnalité de Cuevas évoqué par Rosella Hightower, forme le meilleur hommage qu'on puisse rendre à celui qui fut un très grand animateur. Le marquis, pour moi, était pas seulement un directeur d'une compagnie, c'était pas seulement un ami, c'était plus, c'était un père qui m'a guidée et qui m'a appris les vraies valeurs dans la vie, en plus que le côté artistique de la scène. Le marquis était un homme merveilleux qui savait vivre. Et avant toute autre chose, il voulait que ses artistes avaient cette même joie de vivre qu'il avait. Et je pense que c'est surtout ça que j'ai appris de lui. Le marquis de Cuevas vous a vu pour la première fois à Londres, je pense, dans le rôle de Gisèle. C'était pas à Londres, c'était à New York, le Metropolitan Opera. C'était une circonstance un peu triste parce que c'était l'ouverture d'une grande saison de ballet, de ballet-théâtre, et Madame Markova était la grande étoile, et elle a tombé malade, elle devait avoir une opération. C'était très subit. Alors, dans un jour, j'ai appris le Gisèle et je l'ai remplacé pour la grande première. Et c'est là que le marquis était dans la salle. Rosella, voulez-vous évoquer quelques souvenirs personnels, vous qui avez été la fille du marquis de Cuevas? J'aime beaucoup parler du marquis toujours parce que c'est tellement sentimental ce qui existait entre nous. Parce que ça faisait tellement des années. En somme, son carrière dans le ballet était liée avec la mienne et vice-versa. C'est lui qui m'a vraiment sortie en première, en pleine confiance. Il m'a pris vraiment à un moment où j'avais le moral très bas. Et c'est le marquis qui comprenait toujours le côté humain. Alors, il savait tout de suite si j'étais heureux, si j'étais pas heureux. Et il savait arranger les situations pour faire des petits changements que je me retrouve. Souvent, le marquis donnait des grandes soirées, vous savez, où il avait beaucoup d'invités et tout. Il s'en occupait de tout le monde. Mais que le moment que j'entrais dans la salle, je sentais le marquis, il venait toujours vers moi. Et souvent, on arrivait tard après le spectacle parce que, à force de démaquiller et tout, et quand on arrivait, où il était plus rien à manger ou des petites choses comme ça, et le marquis me prenait toujours par la main, il m'amenait toujours au frigidaire, et il avait mis à côté pour moi ou du caviar ou quelque chose de très extravagant, toujours, et on mangeait ensemble dans la cuisine. C'était tous ces petits côtés humains que le marquis avait envers moi qui toujours m'a touchée. Vous avez interprété plus de 100 ballets chez le marquis, mais quel a été votre rôle préféré? Ça, c'est une question le plus difficile à répondre, parce que chaque rôle dans sa tour est un rôle préféré. À le moment qu'on est en train de créer un ballet, il faut que ça vienne le rôle préféré, autrement on ne peut pas le danser devant le public. Alors vous voyez, chaque ballet dans son tour, il a son moment suprême. Et après, peut-être on l'abandonne pour des anciennes préférences et qu'on reprend, mais chacun dans son tour, vous voyez. Mais vous avez aimé particulièrement Constantia, non? Ah oui, mais ça, c'était un des premiers ballets que le marquis a jamais fait créer. Ça a été créé avec Sébastien, et ensemble, le marquis considérait ces deux ballets comme son grande contribution dans le monde de danse. Parce que c'est lui qui a tout conçu, c'est lui qui a fait la collaboration avec Menotti et après avec Bildola pour Constantia. Alors pour lui, c'était vraiment ses ballets préférés. Et peut-être à cause de ça, ils sont devenus les miennes aussi un peu. Si les ballets de Cuevas s'imposèrent par la perfection de la forme, les ballets des Champs-Élysées de Roland Petit apportèrent un élément de recherche aiguë. Interrogeons d'abord le chef d'orchestre, Jacques Bazir. Oui, bien sûr. Pendant mon passage à ce pupitre, on a eu l'occasion de monter des partitions de Dutilleux, de Georges Auric, de Darius Milhaud. Est-ce que je peux vous demander des précisions sur ces partitions? Quelles partitions? Eh bien, il y a eu une très belle partition de Dutilleux qui est restée célèbre, qui s'appelle Le Loup. En ce qui concerne Georges Auric, il y a eu un ballet qui s'appelait La Chambre, dont Bernard Buffet avait fait les décors. Darius Milhaud avait écrit un ballet qui s'appelait Adam Miroir, etc., etc. Vous savez, ça me sera assez difficile de tout me remémorer. Maurice Thiriet aussi, que j'allais oublier. Je me tourne maintenant vers Jean Robin. Je suis arrivé au Théâtre des Champs-Élysées fin 1945. Les ballets des Champs-Élysées existaient déjà depuis 2 mois. Roland Petit a créé là Les Forains. Sauguet a fait la musique. Coquenot en avait fait le livret. Les décors étaient de Christian Bérard. Ils ont travaillé pendant 2 semaines chaque jour et ça a donné ce chef-d'œuvre qui a été dansé 500 ou 600 fois au Ballet des Champs-Élysées. Parlez-moi de Bérard, sa grande barbe et son petit chien. Bien, vous savez, c'est un personnage, je crois, légendaire maintenant, que tout le monde connaissait, très, très gentil, adorable même, qui dessinait ses maquettes sur une table de restaurant en faisant des tâches avec son stylo. Bérard, comme vous le savez, n'est-ce pas, était un grand ami de Boris Coquenot. Donc, quand il y a une grande amitié, il y a toujours des discussions. C'était très drôle, les séances d'éclairage. Au bout de 5 minutes, ils se disputaient. Bérard sortait en claquant la porte. Et finalement, tout était très beau et ils étaient tous les deux ravis finalement du résultat. Aussi, en tant qu'administrateur, Bérard souvent, enfin tout au moins dans les débuts, me mettait quelquefois un peu hors de moi parce qu'il commandait toujours, il dessinait des décors souvent un peu chargés. Et quand on plantait ce décor pour la première fois, il retirait les 3/4. Comme j'étais obligé de payer, j'étais furieux, mais je devais reconnaître qu'il avait toujours raison et c'était toujours une beauté extraordinaire. C'est encore à vous, Georges Auric, que je m'adresse. J'ai été, moi, très heureux de travailler avec Roland Petit, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, dans un style complètement opposé au style de Diaghilev, par exemple. Mais c'est un garçon qui, d'abord, a été un danseur, et demeure un danseur remarquable, mais un chorégraphe d'une nouveauté, d'une fantaisie qui, moi, m'intéresse beaucoup. Il a réglé plusieurs ballets, dont quelques-uns demeurent des réussites exceptionnelles. Pour parler d'un des premiers qu'il a d'ailleurs mis en scène, les Forains et ensuite le Loup, par exemple, étaient des spectacles tout à fait remarquables et d'une qualité, d'un intérêt aussi grand que les plus grandes réussites d'autrefois. Henri Sauguet. Roland Petit donna en 1945 mon fameux ballet Les Forains. Je vous épargnerai de parler de ces malheureux forains encore une fois, de ces malheureux, je ne devrais pas dire cela, car enfin c'est ma partition la plus brillante et la plus réussie, et celle qui a le plus réussi dans le monde. Je m'excuse, mon cher Henri Sauguet, mais j'ai assisté à cette première des Forains, et il est certain que parfois certains artistes sont presque un petit peu scandalisés par le succès de certaines de leurs œuvres, mais Les Forains est resté dans ma mémoire comme une soirée à laquelle j'ai pris le plus grand plaisir et je vous en ai gardé toujours une grande reconnaissance. Merci, cher Piral, merci de cela. Eh bien, parlons d'autre chose. Oui, tout de suite après Les Forains, les ballets des Champs-Élysées furent créés, vous le savez. Et j'ai eu le plaisir et l'honneur d'avoir au ballet des Champs-Élysées des créations comme La Rencontre, avec des décors également de Bérard, une chorégraphie de Lichine et qui fut consacrée le talent merveilleux de Babilé d'une part et de jeune talent de Leslie Caron qui est devenu, vous savez, la vedette illustricisme de cinéma que l'on va applaudir actuellement dans tous les écrans. Il y a eu après la mort de Bérard un spectacle qui fut composé de 3 de mes ballets, Les Forains d'une part, La Rencontre dont je viens de vous parler et La Nuit qui était un ballet que j'avais écrit avec Coquenot et Bérard pour Cochrane à Londres en 1930 et qui fut reprise à ce moment-là avec une nouvelle chorégraphie de Janine Chara, la première chorégraphie ayant été celle de Liffard. À vous, Henri Dutilleux. Je pense à la période des ballets des Champs-Élysées, avec Les Forains, avec la merveilleuse musique de Sauguet et les décors, les si beaux décors de Bérard, Le jeune homme et la mort, dansé par Babilé et Nathalie Philippard, La Rencontre, également de Sauguet, et puis enfin d'autres œuvres, oui, Le Rendez-vous, et puis enfin d'une œuvre comme La Chambre qui avait été donnée en 1955, dans une reprise des ballets Roland Petit, et au même programme figurait Le Loup, qui avait été repris aux Champs-Élysées. Après les musiciens, c'est à une danseuse que nous nous adressons, voici Leslie Caron. Après avoir été engagée dans le ballet des Champs-Élysées, j'ai dansé Le Sphinx, La Rencontre, d'Édipe et le Sphinx, de David Lichine, avec musique de Sauguet, et décors et costumes de Christian Bérard. C'était une époque merveilleuse et quand je suis entrée, j'étais presque la plus jeune de la troupe. Et au début, Roland Petit m'a fait faire un tout petit rôle dans un ballet qui s'appelait 13 danses. Et je dansais toute seule sur scène pendant 5 minutes à peu près, ce qui est beaucoup d'ailleurs pour une débutante. Et ensuite, l'année d'après, j'ai donc dansé Le Sphinx. Et puis tout de suite après, Roland m'a donné, ou plutôt c'était pas Roland, c'était Boris Coquenot, parce que Roland était parti. Boris m'a donné tous les rôles d'Éthérie Pagava, qui était partie, qui était devenue trop grande. Alors j'ai remplacé Etheri dans beaucoup de rôles qu'elle faisait et qui me plaisaient beaucoup. Que pensez-vous de l'œuvre de Roland Petit ? Eh bien, je dois vous dire tout d'abord que Roland est un être que j'adore. Je ne sais pas si je l'aime parce qu'il a un énorme talent ou si je l'admire parce que je l'aime tant. Mais Roland a des qualités exceptionnelles. Son talent, tout le monde le sait, et a été découvert lorsqu'il avait, je crois, 23 ans. Mais il a une qualité que j'ai très rarement rencontrée. Si Roland a... Roland, dans sa carrière, a eu des hauts et des bas, plus que la plupart des gens, parce qu'il fait des expériences. Et si jamais il a un four, il a une manière de rebondir et de se remonter le moral qui est vraiment superbe. Il convient maintenant de se tourner vers un décorateur. Brassailles, vous êtes plein de souvenirs. C'est Jacques Prévert qui a eu l'idée de me demander ses décors en photo géante. Et alors j'ai fait une maquette, nous avons discuté cette chose, et puis alors j'ai fait les photos. Il y avait trois scènes, la première représentait une balle musette, et l'atmosphère de la rue autour, n'est-ce pas, un peu rue de Lappe ou quelque chose, alors j'ai dû chercher. Et c'était très difficile de trouver une balle musette où, sans fioriture, c'est-à-dire pas balle de... des fleurs ou cabaret, mais seulement bal, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas dire que c'était en noir et blanc parce qu'il y avait des projecteurs en couleur. Puis le second décor, où il y a le destin qui tout d'un coup apparaît, n'est-ce pas? Eh bien, pour ça, j'ai trouvé un pilier de métro, boulevard Saint-Jacques, où le pilier jetait une ombre assez fantastique qui représentait presque un profil d'une statue de l'île de Pâques. Et alors, c'est là, de cette ombre, que j'ai fait sortir le destin. Et le troisième décor, alors, c'est une chose tragique, parce que la plus belle fille du monde, elle sort un couteau et tue le jeune homme, qui était Roland Petit, et l'autre était Marina de Berg. Et alors, là, j'ai cherché quelque chose d'assez sinistre, et c'était le pont du Crimée, avec la grande roue qui surplombe le canal, qui est un peu, qui fait penser aux tortures par la roue, n'est-ce pas, on dit ça. Alors voilà, c'était les trois décors. Après ce ballet, on a fait un film, Les Portes de la Nuit, avec Carnet. Nous sommes un jour réunis et Cosma a apporté, il y avait Gabin, Prévert, Carnet, et Cosma a porté dans sa serviette la musique du film. Et il s'est mis au piano, et alors c'est la première fois que nous avons entendu Les Feuilles Mortes. Oui, et c'est important parce qu'il a sorti cette chanson de la partition de son ballet. Oui, c'est juste. Je crois aussi qu'il a été le premier à faire venir un chanteur dans un ballet. Ah oui, c'était Loris qui a chanté. C'était un moment de repos où tout s'arrête, et alors il chantait. Perfection avec Cuevas, nouveauté et recherche avec Roland Petit. Mais terminons par quelques manifestations somptueuses, quoique plus officielles. Je veux parler des fêtes du bimillénaire de la ville de Paris, qu'évoque un représentant du conseil municipal, Madame Jeannine Alexandre Debray. C'était en 1951 que nous avions décidé, la ville de Paris, de célébrer ce glorieux anniversaire. De nombreuses manifestations ont eu lieu un peu partout dans Paris, mais j'en retiendrai une. C'est le gala de la chanson française qui avait eu lieu au Théâtre des Champs-Élysées, sous l'impulsion de Pierre Bertin, qui, à ma demande, avait réuni pour une soirée tout ce que le théâtre et la chanson comptent de noble, d'enthousiaste, de généreux. Et ce gala fut un succès triomphal. Nous avions des vedettes comme Ingrid Bergman, Jean-Louis Barrault, Roger Bourdin, Jean de Sailly, Marie Dubas, Louis Ducreux, Pierre Dux, Fernandel, Denis Dinès, Marie Marquet, Yves Montand, Noël, Patachou, Madeleine Renaud, Françoise Roset, Suzy Solidor et enfin Maurice Chevalier. Il fut en effet le créateur d'une chanson qu'on a entendue un peu partout autour du monde pendant de nombreuses années. C'était la chanson du bimillénaire de Paris. Il était bien évident qu'on ne pouvait pas célébrer Paris sans qu'une halte importante se fît pour tous les Parisiens, pour tous les amateurs de l'art, dans ce splendide temple de la musique et de la danse et du théâtre. Nous interromprons pendant quelques jours notre histoire, si je puis dire, du Théâtre des Champs-Élysées, mais le 1er avril, nous vous donnons rendez-vous sur cette même chaîne, à la même heure, pour assister à une grande soirée au Théâtre des Champs-Élysées et à la reconstitution du concert inaugural que dirigera le maître Engelbrecht. À l'occasion du 50e anniversaire du Théâtre des Champs-Élysées, RTF France 3 National vient de vous présenter 15 Avenue Montaigne. Production et interview recueillies par Sylvie Albert. Aujourd'hui, de Stanislavski au bimillénaire de Paris. Avec Olga Adabash, Georges Auric, Jacques Bazire, Brassai, Grégory Schmara, Eliane Daïdé, Janine Alexandre Debray, Georges Doll, Serge Golovin et Golovina, Jacques Héberto, Rosella Hightower, Ramondo Larrain, Serge Liffard, Armand Piral, Jean Robin, Henri Soguet et Jean Viennaire. Coproduction Jacqueline Arpin, assistant Pierre Cazaret, présentation et réalisation de Pierre Barbier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne France 3 Nationale le 29 mars 1963. Demain, à la même heure, dans les nuits de France Culture, la suite.